incorrupt, incorrupt. Empathique, empathique. Pessoa, Pessoa. Je te disais que je voulais dormir avec toi, juste avec l'intention de te garder près de moi, de la plus facile des façons. Passons, je te disais que je voulais te reconquérir sans subir et que toutes mes blessures t'aurais pu me les guérir. Apparemment, ça te fait rire, mais moi, ça me fait mal. Apparemment, tu m'oublies quand t'es sur ton piédestal. Je me réinstalle pour te dire que je te disais que ton manque en tonne ce qu'on t'en disait. Je te dis ça parce que quand tu reviendras et je sais que tu reviendras, tu me diras excuse-moi, je comptais revenir dans quelques mois. Mais dis-moi pourquoi tu m'as abandonné aussi vite. Les abandons prématurés, c'est pas dans mon code civil. Y'a des moments, je me demande si c'est pas toi qui veux pas de moi. Le jour où tu reviendras, aide-moi. C'est la première chose que je te dirai, sans attendre, sans bonjour, sans rapprochement physique, sans prétendre que je te reconquérirai aussi facilement que le premier jour. Depuis ce jour, je vis le reste de ma vie dans un four, comme un poids lourd, avec la remorque, comme fardeau qui est accroché à moi. Je le supporte comme par deux parties. Dis-moi qui, du mardi au lundi, me supportait et m'aidait pendant que t'étais parti. Partie 1, tu t'en vas sans te prévenir, sans un laisser. À part moi, même si tu reviens, tu m'as quand même délaissé, même déçu au-dessus. Tout ça, t'as fait quoi là-bas? Sans moi, j'imagine que t'as développé ton karma. Car moi, j'ai évolué assez pour plus me faire piéger par des gens comme toi. Y'a pas de problème léger, que des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Alors ils en profitent, embêtent les autres sans devis. Et devine ma vie, comment elle était sans ta présence. En temps mort, une mi-temps, c'était peut-être ma sentence. Avec une durée indéterminée, sans destination. Mais ce temps-là est bien terminé, je suis autant des constatations. Et je constate que t'as trouvé mieux que moi. Comme mes proches, je suis content pour eux. Et je me contente de rester proche. T'es contente maintenant, tu m'as inspiré pour 2 minutes. Mais c'est pour dénoncer, prévenir qu'on n'avait pas les mêmes buts. Partie 2, je vais dire qui t'es. Je vais dire ton nom parce qu'après c'est pas moi qui prendrai tout de toute façon. Est-ce que je m'en sors? T'inquiète pas, je le dirai. Je serai sorti quand tout le monde aura compris qui t'es. Je veux que tout le monde connaisse ton vrai visage et comment tu dévisages l'amour sous n'importe quel visage. Que tout le monde sache que quand je te disais que j'avais besoin de toi, ou tu manques toi, ou je t'aime toi, tu m'envoyais balader et tu me calculais même pas. Pourtant quand je marchais, j'étais prêt à faire les mêmes pas que toi à suivre, même si c'était pas à moi de faire ça. Me saouler, c'était pas ton genre, pas du tout. Se taire, ça, tu savais le faire quand il le fallait, mais aujourd'hui comme t'as fait tous ces mois, imite ma déchéance. Mesdames et messieurs et messieurs, mesdames et messieurs et messieurs, mesdames et messieurs, je vous présente la confiance. La confiance.